Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est de nouveau ensemble pour une émission différée, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, mais émission dans laquelle on propose toujours du contenu unique et inédit. Gros renouvellement dans la playlist de ce soir. Ça avait déjà été le cas il n'y a pas très très longtemps, hein, mais là on entre de nouveau plein de nouvelles choses, toujours plus quali les unes que les autres. On a les vétérans de Autopsy, de Tankard, de Queensryche, les plus jeunes pousses de Wolfhearts, Worms, les asiatiques de Devourer, les presque locaux, ce qu'ils nous viennent de Poitiers, de The Necromancer. Voilà, tout ça qu'on va se présenter tranquillement tout au long des deux heures à venir. Première doublette de vétérans dans deux styles bien différents, chacun d'un côté de l'Atlantique. Nous aurons tout d'abord Autopsy, le très très très bon groupe de Gordes Ricain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Autopsy? On est sur du Gordes un peu à la sauce Carcasse, hein, qui va traiter de pathologie, etc. C'est le premier album qui nous sort depuis 2015, un EP avait vu le jour entre deux. Voilà, on est toujours sur la même recette, hein, des crado baveux dégoulinant avec des petits effets doomdes, avec une prod bien old school et toujours le même gueulard batteur Sean Reinhardt derrière les fûts. Voilà. Autopsy, puis bah, enfin, je trouve qu'avec le temps, limite, ça se bonifie ce que nous propose Autopsy. D'autres vétérans, Tankard, les Allemands, qui nous sortent un 18e album studio. Payer un peu la discographie. 18e album studio, actif depuis 1983. Toujours un trash très efficace, hein, qui renouvelle pas grand chose. Mais le groupe vieillit plutôt bien, un peu à la manière d'un Sodom, même si Sodom s'est pas mal réinventé ces dernières années. Une alternance toujours de paroles humoristiques et d'autres un peu plus sérieuses. Voilà, doublette de nouveautés de vétérans pour entamer cette nouvelle émission Hellbanger ce soir. Autopsy, Knife Slice, Ex-Chop, le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de Morbidity Triumphant, nouvel effort studio qui voit le jour chez Peaceville Records. Ensuite, Tankard, Lockdown Forever, tiens, est-ce qu'ils auraient pas été inspirés par l'actualité? Extrait de leur nouvel effort studio Pavlov's Dogs, alors on y voit un beau jeu de mots encore dans le titre de cet album, et bien sûr inspiré par l'actualité. L'album est également déjà dispo pour Tankard. Voilà, c'est parti pour l'émission de ce soir, bienvenue à toutes et à tous, Autopsy, Tankard. Dream about what happens. couplette suivante de l'extrême encore, venu du nord et du sud de l'Europe. Tout d'abord, les Portugais de Gaera qui nous sortent un très très très solide troisième album studio. Ils vont d'ailleurs bientôt partir en très très grosse tournée européenne. Une sortie Season of Mist pour Gaera. Ce troisième effort studio s'intitule Mirage. On s'écoutera le titre Heb. Bloodbath, ensuite la formation de Swedish Death qui nous sort son Survival of the Sickest, un album qui a vu le jour chez Napalm Records. Bloodbath, sixième effort studio donc pour la formation qui nous vient du Grand Nord. Déjà le troisième album avec Nick Holmes, voilà, qui a pris la suite de Mike Eckerfeld derrière le micro. C'est toujours très varié, c'est gras, c'est brutal juste quand il faut, et c'est efficace tout du long. Bloodbath, Putrefying Corpses, donc, et l'album Survival of the Sickest est également déjà disponible. C'est parti. We'll be right back. Une autre nouveauté pour ouvrir cette nouvelle doublette, cette fois une doublette 100% américaine, Clutch, le groupe de Hard Rock Stoner, qui nous sort là son 13e effort studio. Hein, pour rappel, le groupe est actif depuis le début des années 90. Un peu comme Tankard, on est sur une recette bien établie, bien calibrée, toujours bien efficace et extrêmement bien exécutée. On a des passages hyper dynamiques, en alternance avec des morceaux vachement plus groovy, mid-tempo, presque bluesy. Voilà, une formule très très bien maîtrisée pour les ricains de Clutch. Ce nouvel effort studio s'intitule Sunrise on Slother Beach. Il est déjà disponible, on s'écoutera le titre de l'album, plus ou moins, le morceau Slother Beach. Et ensuite, les vétérans du metalcore straight edge ricain Earth Crisis, ils nous sortent un nouvel EP, très frontal, très sobre cependant, Vegan for the Animals. Il est déjà dispo cet EP, il contient deux titres inédits et deux morceaux qui n'apparaissaient que sur des versions live. Through a River of Blood, c'est le second titre de Earth Crisis que l'on va s'écouter tout de suite après s'être écouté un petit Clutch. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, doublette de nouveautés, Devourer, Inhuman, Depravity. On est d'abord sur Devourer, un groupe qui nous vient de Singapour, qui nous fait du Satanic Black Death. Tiens, tiens, Satanic Black Death, Singapour dans la même phrase, ce qui aurait du Impiety pas très loin. Oh bah oui, d'autant plus que le groupe flirte avec le style War Metal, et que, oh bah tiens, comme de par hasard, on retrouve dans le line-up de Devourer deux membres de Impiety, dont Shethan, le chanteur et fondateur de Impiety, qui tient la guitare dans Devourer. On est donc sur quelque chose de bien bestial, ultra violent et sombre. Voilà, il n'y a rien de neuf dans ce qu'ils font, mais ça reste expérimenté et radical, tout simplement, la musique de Devourer. Inhuman Depravity, ensuite, on est sur un groupe turc de Brutal Death, un peu tech sur les bords, mené par une femme, active depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur second album studio. Ça dégouline le Brutal Death old school, bien typé des années 90. Et surtout, il faut deviner que c'est une femme qui tient le micro. Donc voilà, dans le style, on peut se rapprocher d'un Abnormality ou autre Cerebral Bore. Devourer, Inhuman Depravity, c'est ce qu'on va s'écouter tout de suite. Devourer, le morceau Oath of a Devil's Cross, extrait de Diabolos Brigade, une sortie sur label français Listenable Records. Et ensuite, Inhuman Depravity, Obsessed with the Mummified, The Experimented. Voilà, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et c'est parti tout de suite. I dropped the abuse and the glare of desert. I must say, Dr. Hill, I'm very disappointed in you. You steal the secret of life and death, and here you are, trysting with the bubble-headed co-ed. Oh, Mr. West, I'm actually glad to see you. Encore une doublette de nouveautés dans l'émission Hellbanger de ce soir avec Queensrÿche et Wolfheart. On navigue encore une fois d'un côté et de l'autre de l'océan Atlantique. Queensrÿche tout d'abord, le groupe de heavy prog ricain qui souffle là sa 40e bougie. Ils sortent leur 15e effort studio, un disque toujours très généreux, 12 titres pour une bonne heure de musique au total. Un groupe qui, malgré les années, semble avoir toujours de l'inspiration et toujours des choses intéressantes à proposer, surtout dans le prog. Voilà, on a même des fois sur des inspirations à la sauce Maiden, avec cependant une prod de meilleure qualité que le dernier effort studio de Maiden, et un peu moins de longueur, toujours comme le dernier Maiden. Voilà, un disque à mettre entre toutes les mains des amateurs de heavy, bah voilà, tous ceux qui aiment le heavy travaillé, soigné, et prog sur la durée. Wolfheart, ensuite, une nouvelle sensation venue de Finlande, active depuis une dizaine d'années. Wolfheart, le groupe de mélodes finlandais, a déjà une généreuse discographie, puisqu'ils sortent là leur 6e effort studio. Le groupe monte, un peu à l'instar d'un Gaera. Voilà, c'est sans surprise cependant que les Scandinaves maîtrisent parfaitement bien le style venu de chez eux. Hein. Traditionnelle alternance de chants en growl et en clean pour des moments plus épiques et d'autres vachement plus agressifs. Le titre de ce soir vaut la particularité d'avoir sur le morceau Carl Sanders, bien sûr guitariste-chanteur de Nile. Donc c'est probablement un des titres les plus violents de la discographie de Wolf Heart. Hop, tout de suite présentation des morceaux. Queen's Rush in Extremis, extrait du nouvel album Digital Noise Islands. Wolf Heart juste ensuite, Cold Flame, extrait de King of the North, sobriété totale. Une sortie de Palm Records et les deux albums sont déjà dispo, c'est parti. We'll dance. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est toujours au sein de la 487e émission Elbanger, c'est une nouvelle émission en différé. Et on attaque tout de suite l'aspect française avec une nouveauté, Kainan Dawn, le groupe qui accuse près de 20 ans d'existence. Le groupe de black metal originaire de Chambéry qui sort là son quatrième effort studio, 5 ans après le précédent. C'est propre. On est toujours sur un black vachement travaillé, plutôt d'influence atmosphérique et mid-tempo, des compos languissantes mais pas ennuyeuses qui tournent autour des 6-8 minutes, un album généreux qui avoisine l'heure de musique. Et en doublette avec Kainan Dawn, là on est loin des compos soignés, léchés et d'un album long, puisqu'on est sur le nouvel EP des Parisiens de Sorcerer. Ce nouvel EP s'intitule Pleasure, il est déjà dispo chez Deliverance Records, le label parisien. Sorcerer, toujours ce hardcore à la frontière du négatif hardcore et quelques codes du straight edge. On s'écoutera le titre The Burden Is Us, extrait donc du nouvel EP Pleasures. Et juste avant ça, Kainan Dawn, Apnea, extrait du nouvel effort Lagu, déjà dispo chez Osmose Productions. There's nothing to fear except God. Whatever that means to you. For me, God is a disease.